Le comité brésilien pour la solidarité avec la République populaire démocratique de Corée a inséré le 19 dans son page d'internet et le journal Agua Berde les écrits précisant que l'essai d'explosion de l'ogive nucléaire coréenne est une juste mesure pour défendre la dignité et la souveraineté du pays. Par ailleurs, André Loekile Kalonda, secrétaire général du comité africain d'études des études JC, a publié le 15 un entretien en faveur de la dernière mesure autodéfensive coréenne.